sommeil. Mon frère, mon seul ami, emmène-moi dans tes bras, de l'autre côté des vents. J'ai pris les dernières lignes, les pylônes d'une vie. Apaise encore mes souffrances par tes pouvoirs illimités. Réduis le flot de mes pensées. Engourdis-moi jusqu'aux entrailles. Emmène-moi dans tes bras, de l'autre côté des bancs. Et si alors